Bon, c'est du freestyle, c'est la face B de la cassette. Putain c'est le trip, cette locale m'agrippe, les tripes goûte cette cam élastique, sniff ma ligne électrique, aux tensions électroniques, au micro hydroponique, effréner les gros rythmes et défrayer la chronique, laconique, on nique tout, et puis c'est tout, tentez de défier des fous, épuisez-vous, allez poussez-vous, on met les bouchées doubles, et si vous jouez les fous, vous verrez rouge et trouble, on pète la classe avec des allures de porte-flingue, on porte le style et ta team porte plainte, des dingues en bringage 24 qui pètent des putains de câbles, répètent des putains de parts, et les mettre sur un putain de rap, c'est la cassette qui débarque, des balles de braque et mes débats, faut des parts, on démarre, y'a pas débat, on pète des barres et débarrasse les parades, on a forcé les barrages, le rap est mort, c'est pas grave, c'est mon crew qui la marave, c'est la cassette, un casse-tête, achète en cachette, ma locale, on s'achète, dans le bocal, on s'affaire à faire de la bonne cam qui achève, briser la chaîne et les HF aussi, quand t'es du maître aussi, mon possi, jamais docile, viens résoudre l'impossible. Et si t'es sceptique, les mecs et les mecs, si c'est zik, on existe, on exhibe nos lexiques, ça excite, comme ça qu'on passe ses nerfs, ici ça tape sévère, alors quand j'accélère, viens pas me t'accélère, on est des bons, on démonte, on débute, on est des monstres, on démonte, on a gagné la guerre des mondes. On est des bons, on démonte, on débute des bombes. On est des monstres, on démonte, on a gagné la guerre des mondes. C'est green un peu. C'est green, c'est green, c'est green. Pour commencer, des notes et des mots, je viens réciter mes notes. En démon, je m'exporte, let's tourner l'instru, je m'emporte en porte. Parole de ma feuille blanche, prends en otage le microphone et laisse des rimes à faire parler tous les infos. Alors oublie pas le blaster, un qui distribue 16 mesures pour mettre à l'aise et ça sera déjà un bon début de débat. Débarquement de mon phrasé dans la visée de leur enceinte. Rapologique sera l'empreinte, empruntant les chemins de la musique d'un hip-hop scientifique. Démontrant qu'en province, les MC sont authentiques, je démonte votre audition par l'addition de ma diction en perdition avec ce rap que je façonne à ma façon. Peu importe la provenance et peu importe le MC, je t'offre de la contenance, le fond et la forme aussi. Un système décalé, fait de rimes articulées, balancées, calculées. Une fois que tu fruit d'un travail méticuleux, c'est l'heure de la bombe sonore. Era honor, je rapperai jusqu'à l'épuisement, jusqu'à mettre tout le monde d'accord. Une poids de plume, creuser sa terre et c'est comme ça depuis petit peu. Prédestiné à l'écriture d'un quotidien qui laisse des bleus. T'as tout qui enfle comme un kiff, t'as le coup tu parles de cup et le cap de paquet sans battre la radeau à tête. Ton cinéma auto-centré, ton but le tata coup de patte, c'est Batman. Faut te concentrer, 20 piges plus anniversaire, c'est chant, mais la misère que mes rythmes mettent dans ton poster. J'ai pigé l'air et la manière de te la mettre à l'envers avec mes versets vers mes persévères. Prends un verre de verveine, ça apaise la haine de ma dame. T'as peur de tout perdre, pédé. Pendant quoi tu pénètres ta verre dans des bulles de village obscène et qu'y a claqué la mine qui compte les kilogrammes de palme. J'ai qu'à dans un trou à la campagne, à tirant la tirade et pas des la 17. Ouais, je suis la tirade avant un gars quand tu es comme on peigne. J'adore ta musique de chienne de femme, montaine parisienne. T'as les vilaines qui viennent dès que ma gueule passe sur les ondes tiennent. Bref à la tienne, t'as les fêtes, je la fête avec tous tes pseudo potes. C'est la gamme, elle mène les novices de la province. Elle mène les fils d'autres pays de la culture urbaine. Ben. C'est la cassette qui débarque, des balles de braque et mes débats, faut des parts, on démarre, y'a pas débat, on pète des barres et débarrasse les parades, on a forcé les barrages, le rap est mort, c'est pas grave, c'est mon crew qui la marave. C'est la cassette, un casse-tête, achète en cachette, ma locale, on s'achète, dans le bocal, on s'affaire à faire de la bonne cam qui achève, briser la chaîne et les HF aussi, quand t'es du maître aussi, mon possible, jamais docile, viens résoudre l'impossible.